Je ne suis pas née pour souffrir. Je suis née pour être avec toi. J'ai juste besoin de penser à toi. Et tu es un morceau de moi. Pourquoi? Réponse à ce moment.